même j'en ai une femme somme qui a coûté ce de ça. Dans pile bel message la donne qui se dit pas parole, c'est là. Satan, si vous c'est vrai petit bon Dieu, faites confiance ou dans lui-même. Ou pas jamais bien doit prendre entre la gueule tout corps sans réserve. Ou pas de jambes croquer Jésus, pour ça gagne la jambe. Ou pas de jambes trahir Jésus, pour ça gagne pouvoir. Ou pas de jambes croquer Jésus, pour bien matériel. Ou pas de jambes trahir Jésus, pour des échelles. Jésus qui plein pouvoir, yon Jésus qui merveilleux, yon Jésus qui pape qu'on perce pour aimer sans limite. Si vous chrétien chargé problème, ou te mettre billet tête tout, la kefa de yo bali wa va j'en vraie solution. Ou pas de jambes croquer Jésus, pour ça gagne la jambe. Ou pas de jambes trahir Jésus, pour ça gagne pouvoir. Ou pas de jambes croquer Jésus, pour bien matériel. Ou pas de jambes trahir Jésus, pour des échelles. Eh bien, pendant qu'on a parlé de trahir Jésus, nous songeons qu'on nomme Pierre. Les pierres. Côté que Jésus te dit Pierre, coup quoi que la chante trois fois, ou ap gétant te dit ou pas qu'on aime. Eh bien, chose dit, chose faite, qui sa Pierre te fait, Pierre t'a couché dans petit coin. Li à genoux l'a crié, l'a demandé bon Dieu pardon pour ça que fait là. Et bien ou même qu'a coûté musique ça, qu'a qu'on ça s'offre à un frère ou un soeur ou un ami ou qui tout droit pour demander le pardon. Et bien laisse ça voir la gloire bon Dieu qu'a manifesté dans nous-mêmes. Et puis, lagué. Non. La gueule. Bon, nous sommes aussi évangéliste Rossini de Ronette. Nous vous merci spécialement avec Parole Céleste qui invite pour venir bailler quelques messages avec Zaminue qui a coûté nous tout partout. Écoutez ça. Pas de jambes croquer Jésus, pour ça gagne la jambe. Ou pas de jambes trahir Jésus, pour ça gagne pouvoir. Ou pas de jambes croquer Jésus, pas de jambes trahir Jésus, pour des échelles. Yon Jésus qui tout puissant, yon Jésus qui sans pareil, yon Jésus qui baille victoire, pas mélanger la ak Satan. Si ou se vre petit bon Dieu, met confiance ou nan li mem. Ou pap jam gen doa pran wot la, ge tout kos san rezèl. Pa dwe jam troke Jésus, ou sa gen la jam. Ou pa dwe jam trahi Jésus, ou sa gen pouvoir. Ou pa dwe jam troke Jésus, ou gen matériel. Ou pa dwe jam trahi Jésus, ou